sommes en permanence bombardés par les rayons cosmiques, certains venant du Soleil, d'autres d'un peu plus loin, d'autres de supernovae à l'autre bout de la galaxie, et d'autres les plus puissants, les plus rares aussi, venant d'on ne sait trop où. Et quand je vous dis puissants, les plus puissants rayons cosmiques détectés sur Terre ont l'équivalent de l'énergie d'une balle de tennis lancée à 160 km/h concentrée dans un proton. Alors que sont exactement ces rayons cosmiques? Comment les étudier? Que nous disent-ils de l'espace profond et de la physique des particules et peut-être même de l'énigmatique matière sombre ou la masse manquante de l'univers? Rayons cosmiques, mais pourquoi sont-ils si puissants? C'est le programme énergétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour partir à la traque de ces rayons cosmiques proches comme ceux de notre Soleil ou lointains jusqu'à l'extérieur de notre galaxie, nos deux guides cosmiques du jour sont, et à distance comme toujours, Richard Taillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc, chercheur en astrophysique au laboratoire de physique théorique d'Annecy-le-Vieux, et Étienne Parizeau, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes astrophysicien au laboratoire APC et professeur à l'Université Paris Diderot. Mais avant de partir aux confins de l'univers, nous restons encore 5 minutes les pieds sur Terre pour suivre l'actualité scientifique et de la recherche du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, je vous disais qu'on allait parler de l'actualité de la recherche. Eh bien, on parle exactement de l'actualité de la recherche du magazine La Recherche. La revue française risque de disparaître, Natacha. Oui, La Recherche, c'est un mensuel de vulgarisation scientifique qui vient de fêter ses 50 ans. Et c'est une plateforme de communication importante entre la science et le grand public. Elle met en avant la parole des chercheurs qui sont invités régulièrement à prendre la plume. Cette revue appartient à Claude Pédriel, le grand patron de presse, qui est également propriétaire du magazine Science et Avenir, dont nous sommes partenaires, et à la ligne éditoriale différente. La direction a annoncé vouloir fusionner ces deux titres en une seule et même revue, baptisée Science et Avenir, la recherche. Alors la société des rédacteurs s'y est fermement opposée. Philippe Pageot est le rédacteur en chef du magazine La Recherche. Il parle d'un appauvrissement de l'écosystème médiatique scientifique. Il y a deux explications. Il y a une explication évidemment financière, hein, puisque La Recherche, comme toutes les autres groupes de presse et les autres journaux, subit en plein la crise de la presse, qui est tout à fait générale. Et évidemment, par-dessus ça, la crise du Covid n'a pas amélioré les choses. Donc, la direction a profité un peu de cette occasion pour dire, ben voilà, on va un peu rationaliser, on va unir ces deux journaux très différents pour faire une sorte de grand pôle science. Donc ça, c'est la raison plutôt financière et la raison éditoriale, justement. La manière dont la direction le présente, c'est prendre le meilleur des deux mondes et de faire un grand journal des sciences qui regrouperait à côté d'articles grand public des papiers plus du type la recherche, c'est-à-dire avec des interviews de chercheurs. La crainte, c'est que, évidemment, fondre deux mensuels comme ça, un gros et un petit, puisque évidemment Science et Avenir est plus grand public et vend beaucoup plus que la recherche, c'est qu'on se retrouve à disparaître complètement. Puis de perdre aussi notre identité, puisque évidemment la partie La Recherche se retrouverait en quelques pages à l'intérieur de Sens à Venir. La crainte également, c'est que le lecteur ne s'y retrouve pas. Donc on pense que ça conduirait inévitablement à la disparition de La Recherche, alors que c'est à la fois une revue pluridisciplinaire d'autre qualité qui a fait rayonner la science française, un lieu de dialogue indispensable aujourd'hui entre science et société, et puis la pandémie du coronavirus nous a bien montré à quel point ces lieux de dialogue étaient importants. On a bien vu comment la presse de l'immédiat avait pu s'emparer de certaines nouvelles liées au coronavirus pour raconter beaucoup d'abris. C'est ça donc la situation de la recherche, c'est une sorte d'abandon, un renoncement au détail, la complexité. La science, c'est la méthode scientifique, c'est quelque chose qui demande de l'analyse. Et donc c'est vrai que dans le paysage actuel de la science, ce serait vraiment extrêmement dommage. Alors nous avons contacté le directeur éditorial du groupe, Père Adriel, qui n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Une pétition a été mise en ligne. Elle a été signée par plus de 200 chercheurs, dont de nombreux prix Nobel. Voilà, le lien vers cette pétition, ainsi que vers différentes études, comme chaque jour, vous pouvez les retrouver sur le fil Twitter de La Méthode Scientifique, @laméthodefc. Vous pouvez la signer également. Elle a été signée par pas loin de 3000 personnes pour le moment. Et puis je vous précise que mercredi prochain, pas demain, la semaine prochaine, nous consacrerons une émission spéciale à ce sujet, mais plus généralement à la crise de la presse scientifique après le rachat de Science et Vie par Rewild, maintenant la probable disparition de la recherche, quelle place pour les magazines et la presse scientifique en France. Ce sera le thème de notre émission de mercredi de la semaine prochaine. Et on passe au bref. On fait un point sur l'épidémie de Covid. Deux nouveaux foyers épidémiques ont été découverts à Rome. Il s'agit d'un hôpital et d'un immeuble qui a été placé en quarantaine. On compte 104 cas positifs pour 5 décès. Rome a tout de suite mis en place une enquête épidémiologique pour remonter aux différentes contaminations jusqu'au 1er mai. Les foyers sont sous contrôle et semblent ralentir, nous disent les autorités sanitaires, mais la vigilance reste de mise. Selon une étude parue hier dans The Astrophysical Journal, il pourrait y avoir pas moins de 36 civilisations extraterrestres, mais intelligentes, dans la Voie lactée. Alors c'est évidemment très hypothétique, mais mais ce duo de chercheurs anglais développe un concept, la limite copernicienne astrobiologique. Alors pour estimer le nombre de civilisations intelligentes et communicantes dans notre galaxie, ils se sont appuyés sur le seul exemple que l'on connaisse, l'apparition de la vie sur Terre. Ce type de vie s'est développé dans un environnement riche en métaux et a pris environ 5 milliards d'années pour apparaître. Ils ont aussi pris en compte les probabilités d'étoiles qui hébergent dans leur zone habitable des planètes semblables à la nôtre. Alors sur ces 36 candidats, le plus proche serait à 17 000 années-lumière de nous. À une telle distance et avec nos technologies actuelles, impossible d'imaginer la moindre prise de contact. Et pour conclure, selon une prépublication sur le site BioArchive, des chèvres génétiquement modifiées peuvent produire dans leur lait des médicaments contre le cancer. La plupart des anticorps monoclonaux thérapeutiques sont produits dans des cellules de mammifères cultivées en laboratoire. Difficiles à fabriquer, ces protéines sont donc extrêmement coûteuses. Le cetuximab, par exemple, c'est un traitement contre le cancer de l'intestin et il est produit par des cellules de souris génétiquement modifiées. Une équipe néo-zélandaise a cherché à en fabriquer dans des volumes plus élevés, avec des chèvres transgéniques capables de produire cette molécule dans leurs glandes mammaires. Alors selon ce papier, une chèvre produit environ 10 grammes de cetuximab dans chaque litre de lait. Alors chaque année, une chèvre produit environ 800 litres de lait. Les auteurs y voient donc une solution pour produire à grande échelle des anticorps monoclonaux thérapeutiques à moindre coût. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. C'est une étude intéressante publiée le 29 mai dernier dans la revue Physical Review Letters qui nous a mis sur la piste des rayons cosmiques. Nous sommes en effet bombardés en permanence par ces rayons venus de l'espace, du plus ou moins loin dans l'espace d'ailleurs. Nous en sommes très largement protégés par la magnétosphère et l'atmosphère terrestre. Si elle n'était pas là, la vie sur Terre aurait été certainement vaporisée il y a bien longtemps, comme sur Mars par exemple. Et puis, il y a cette énigme autant physique qu'astrophysique sur les rayons cosmiques de haute énergie, beaucoup plus rares mais extrêmement énergétiques, qui sont détectés de façon régulière mais qui enfreignent plusieurs règles et dont il est aujourd'hui impossible peu ou prou de savoir d'où ils proviennent et quels phénomènes cosmologiques les produit et les accélère à ce niveau d'énergie. Pour faire le point sur tout cela, sur tous ces rayons cosmiques, d'où qu'ils viennent, nous sommes en compagnie de Richard Taillet et d'Étienne Parizeau. Mais alors, qu'est-ce que c'est finalement que ces rayons cosmiques? Un important fantasme manifeste dans les années 50. Si on en croit notre archive du jour, nous sommes en mars 1951 sur la radiodiffusion française. Nous allons commencer aujourd'hui par le débourrage de crâne sur un sujet très à l'ordre du jour, celui des rayons cosmiques. Eh bien, si l'on en croit les journaux, ou certains journaux, en tout cas, les rayons cosmiques sont la cause de tous nos maux. En tout cas, on leur donne une importance énorme et très spectaculaire. On les associe aux soucoupes volantes, on suppose qu'ils sont la cause plus ou moins directe de la grippe, on les considère comme ayant une puissance immense, et il m'est même arrivé de lire que la bombe atomique était un jouet d'enfant à côté des rayons cosmiques. Il est certain qu'une des raisons de ce succès est le caractère non secret des recherches que l'on fait sur le rayonnement cosmique. Tout ce que l'on trouve dans ce domaine est immédiatement publié. Le mot cosmique, vous savez, ça prête au bourrage de crâne d'ailleurs. Il m'est arrivé à la fin de conférences au cours desquelles j'indiquais le grand pouvoir des pénétrations des rayons cosmiques. Ça traverse un mètre de plomb sans difficulté. Qu'une brave dame un peu excitée est venue me trouver en me disant « Oh, monsieur le professeur ou maître ou je ne sais pas quoi, c'est cela, je me sentais depuis quelque temps toute traversée par quelque chose, ce doit être les rayons cosmiques. » Voilà, le bourrage de crâne sur les rayons cosmiques dans cette émission Paris vous parle sur la radiodiffusion française en 1951. Une réaction à ce bourrage de crâne, Étienne Parizeau. C'est très amusant. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire qui est la personne? Malheureusement, on n'a pas trouvé le locuteur, non. Non. Ah, d'accord. On a juste trouvé l'émission, mais on n'a pas trouvé la nature du locuteur. Si vous me permettez, juste avant de rebondir sur un message que vous avez passé au début dans votre présentation, je soutiens fortement le message communiqué par Philippe Pageau qui concerne la fusion de la recherche et de sciences et avenir. Je fais également partie des premiers signataires de cette pétition. J'encourage vos auditeurs à la signer également. C'est dit et nous avons entendu. Alors pour revenir à nos rayons cosmiques, peut-être que Richard Taillet voulait dire un mot sur la recherche tant qu'on parle de ce sujet-là et on en reparlera, je l'ai dit encore une fois, dans une émission plus complète mercredi prochain. C'est un sujet compliqué, hein, parce que, enfin, juste pour en dire deux mots, puisque Étienne lance le sujet. Il y a aussi le fait qu'il y a pour la science qui est aussi sur le marché. C'est une vraie question de savoir s'il y a de la place pour à la fois la recherche et pour la science. Ce sont deux lignes éditoriales différentes. C'est une émission d'une heure, à mon avis. Oui, mais on en reparlera la semaine prochaine, par ailleurs. Voilà. Et on aura une heure entière pour en parler. Ça marche. Alors, Richard Taillet, je voulais vous entendre l'un et l'autre sur ce bourrage de crâne. En tout cas, c'est intéressant de voir que les rayons cosmiques, c'est un sujet de conversation. On entend tout de même qu'il y a beaucoup de publications dans les années 50. On va revenir, hein, sur leur découverte et sur, bien, l'apprentissage de ce que sont précisément ces rayons cosmiques. Ça vous surprend, vous, cette archive, Richard Taillet? Non, ça surprend pas, et effectivement, bon, c'est quelque chose d'un peu énigmatique, parce que c'était à l'époque, dans les années 50, aux frontières de la science, et les scientifiques avaient tendance à mettre en avant justement les aspects un petit peu sensationnels de leur découverte, ce qu'ils font encore, et le grand public s'accroche à ça, et du coup le grandit, et ça peut faire peur ou ça peut faire rire, quoi. Et Étienne Parizeau. Oui, je dois dire que je suis un peu surpris personnellement d'entendre ça. Je n'étais pas au courant de ces fantasmes qu'il y avait eu à l'époque. En tout cas, il est certain que ces rayons cosmiques sont fascinants à divers titres, mais à aucun de ceux qui ont été mentionnés. Alors justement, peut-être qu'on peut dire un mot rapidement de cette terminologie qui est restée, mais qui est assez impropre en fait. Rayon cosmique, on va le voir, c'est aujourd'hui, bon, ça n'est ni des rayons, et puis cosmique, c'est un peu vague, Étienne Parizeau. Oui, alors effectivement, ce terme date du début du siècle. C'est Millikan, je crois, qui avait appelé ces particules des rayons cosmiques, ne sachant pas ce que c'était. Absolument. Il faut se Oui. En 1926, oui, tout à fait. Ah oui. Robert Millikan, je confirmais ce que vous venez de dire. Allez-y, absolument. Pardon. Absolument. Oui, il faut se remettre dans la peau des physiciens du début du siècle, à la fin du 19e siècle, enfin du début du siècle dernier, pardon, du 20e, à la fin du 19e siècle, on découvre d'un seul coup tout un pan de la réalité physique qui était totalement ignoré précédemment, qui est ce qu'on appelle le monde subatomique, avec un certain nombre de particules nouvelles qu'on appelait d'ailleurs rayons X, X montrant bien qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, et puis à la découverte de la radioactivité, tout ça en 5-6 ans, à peine à la fin du 19e siècle, on découvre de nouveaux types de rayonnement et on n'a pas la moindre idée de ce dont il s'agit, puisque on sort d'un siècle où essentiellement la matière, ce sont des atomes, donc il y a de la chimie, on peut modifier les agencements d'atomes au sein des molécules, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, n'est-ce pas, comme dit Lavoisier ou bien avant déjà. Ou Anaxagore. Ah, absolument. essentiellement, on ne connaît pas une réalité physique à une échelle plus petite que l'atome. Or, la possibilité de manipuler des énergies beaucoup plus importantes a fini par révéler donc toute une réalité physique inconnue. Et donc, il y a tout un tas de nouveaux rayonnements dont on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est de la matière? Est-ce que c'est de la lumière? Alors, pour les rayons X, il s'est avéré que c'est en fait de la lumière juste plus énergétique, enfin, des photons. Les rayons gamma, pareil. Les particules alpha, il s'avère que c'était des noyaux d'hélium, et puis après il y a eu la radioactivité bêta. Vous voyez, on les nommait comme ça, ne sachant pas ce que c'était. Ça prenait des fois 10, 20 ans à découvrir ce que c'était. Et alors, quand on a découvert les rayons cosmiques, évidemment, la même question s'est posée. S'agit-il de lumière? S'agit-il de matière? Qu'est-ce que c'est que ces particules qui viennent manifestement du cosmos? Et Robert Millikan a supposé que c'était en fait des photons gamma. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Et donc, mais le nom est resté. Voilà. Et du coup, Richard Taillet, comment est-ce que vous appelleriez quelle serait la terminologie qui serait propre que l'on pourrait utiliser aujourd'hui à la place de rayon cosmique? Ah ouais, moi je trouve ça va bien, rayon cosmique. Hein, ça vous va tout, une fois qu'on sait de quoi on parle, il y a pas de problème. Ça donne pas lieu tellement à des quiproquos en plus. Hein, bon, entre les chercheurs surtout pas. Et puis même dans le grand public, c'est pas un nom qui est scandaleusement incorrect en fait. Hein, mmh. Oui, je suis d'accord avec ça d'ailleurs, parce qu'on parle de rayonnement radioactif. Ce sont des rayons au même titre que n'importe quel rayonnement de haute énergie qui peut affecter nos cellules ou d'autres choses. Ouais. C'est pas gênant en effet. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons de rayons cosmiques tout au long de cette heure. Alors peut-être qu'on peut définir exactement ce que sont ces rayons cosmiques, de quoi on parle, puisque ce ne sont pas des photons, ce ne sont donc pas des radiations au sens où on l'entend généralement. De quoi sont-ils constitués, Étienne Parizeau? En fait, ce sont tout simplement des noyaux d'atomes, donc des atomes épluchés de leurs électrons, si on peut dire. Il reste donc le noyau avec des protons, des neutrons. Et donc, suivant le type de noyau, vous avez différents types de rayons cosmiques qui ont différentes charges électriques, différentes masses aussi. Mais enfin, ce sont des noyaux d'atomes. Donc, les plus courants sont les noyaux d'hydrogène, des simples protons, puis des noyaux d'hélium, beaucoup de carbone, oxygène, du fer un petit peu, et beaucoup moins de particules lourdes comme de l'uranium. C'est beaucoup plus rare, ou d'autres types de noyaux, mais ce sont simplement des noyaux énergétiques qui se baladent dans la galaxie et même au-delà pour les plus énergétiques d'entre eux, qui sont accélérés par des processus intéressants au sein de la galaxie et qui poursuivent leur chemin, au hasard des champs magnétiques qu'ils rencontrent, qui viennent défléchir leur trajectoire et qui de temps en temps arrivent dans l'atmosphère terrestre et puis provoque potentiellement des cascades de particules dans notre atmosphère, et puis de temps en temps des particules secondaires créées par ces interactions dans l'atmosphère arrivent au sol, et c'est cela qu'on a détecté en premier. Donc en fait c'est de la matière, Richard Taillet. Oui, alors c'est de la matière. On peut aussi rajouter quand même à ce que vient de dire Étienne, il y a aussi quand même des électrons, hein. Il y a aussi des particules de charge négative. Et même si on veut aller un petit peu plus dans le détail, on aura probablement l'occasion d'en parler un peu plus tard, il y a aussi des antiparticules, il y a de l'antimatière, il y a aussi des anti-électrons, des antiprotons, des antineutrons. Donc on trouve, alors ça c'est en quantité beaucoup beaucoup plus faible, hein. Et ce qui domine c'est vraiment ce qu'a dit Étienne, c'est vraiment la matière. Mais il y a des petites composantes d'autres choses. Et la composante d'électrons n'est pas spécialement faible numériquement par rapport au noyau, hein. En fait les rayons cosmiques globalement la neutralité électrique de l'univers doit être conservée. Donc il y a aussi beaucoup d'électrons négatifs. Et du coup, à partir de quel moment, on a évoqué Robert Millikan, mais à partir de quel moment et comment est-ce qu'on se rend compte de l'existence, c'est intéressant historiquement, Richard Taillet, la découverte de ces rayons cosmiques et de la façon dont ils perturbent d'ailleurs un certain nombre d'instruments. Oui, on les a découverts par la perturbation d'instruments en fait. Hein, au début du XXe siècle, on savait depuis longtemps mesurer, stocker des charges électriques dans des appareils qui s'appellent des électroscopes. En gros, vous prenez un bâton et vous frottez une peau de chat dessus, le bâton devient électrifié, vous l'approchez de cet appareil et il indique qu'effectivement une charge électrique a été captée. Bon. Et il se trouve que cet électroscope a tendance spontanément à se décharger, ce qu'on interprète comme le fait qu'il y ait des particules qui peuvent venir emporter en quelque sorte les charges électriques qui sont présentes. Et il avait été observé que cet électroscope, si on le monte en altitude, si on va à la montagne avec et qu'on fait des expériences, il se décharge plus vite en altitude. Et du coup, l'idée a été proposée, puis même mise en œuvre notamment par Victor Hess, de monter à plusieurs kilomètres avec un ballon, On avait déjà fait plusieurs kilomètres en allant au Mont Blanc, hein, mais on peut encore aller plus haut avec un ballon. Mmh. Et il s'est aperçu qu'effectivement, plus on monte, plus les électroscopes se déchargent rapidement. Donc ça veut dire que la cause de cette décharge est d'autant plus importante qu'on monte. Donc c'est probablement dû à quelque chose qui vient du ciel, d'où le nom de cosmique. Victor Hess, on est en 1912. Hein. Étienne Parizeau, quels sont... Ça, c'est vraiment les premiers constats, mais Victor Hess ne les nomme pas encore, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est plus tard, en 1926, que Robert Millikan va les nommer. On se rend compte aussi très tôt, les physiciens se rendent compte aussi très tôt que ces rayons sont très pénétrants, c'est-à-dire... Oui, tout à fait. Alors, ces rayons cosmiques, Victor Hess les nomme Hohenstrahlung, c'est-à-dire le rayonnement d'en haut, qui vient d'en haut, enfin, qui en altitude. Alors, effectivement, ils sont très, très pénétrants. Et d'ailleurs, l'histoire commence un petit peu comme ça. En fait, on connaît les rayonnements les plus énergétiques qu'on connaît au début du siècle sont des rayonnements issus de la radioactivité. Et il est assez facile de voir... au bout de combien de mètres d'atmosphère ils sont absorbés, en fait. Hein. On met un morceau d'uranium quelque part, puis un détecteur de plus en plus loin, puis on voit bien qu'il est affecté de moins en moins, quoi. Et donc, il y a une espèce de longueur de pénétration, longueur de propagation dans l'air qui nous montre que, bah, au bout de tant de mètres, il y en a plus que la moitié, et puis encore plus loin, il y en a de moins en moins. Et alors, en fait... Les premières expériences ont été faites par Theodor Wolff entre le pied de la Tour Eiffel et le sommet de la Tour Eiffel avec des électroscopes, comme a décrit Richard. En fait, il s'apercevait déjà que, alors, le flux de si vous voulez, le taux de rayonnement en haut de la Tour Eiffel était quand même légèrement plus faible qu'au pied de la Tour Eiffel, ce qui semblait conforter l'idée que ce rayonnement pourrait venir de la radioactivité naturelle qu'il y a dans la roche, par exemple. Donc plus on s'éloigne de la roche, on en est en haut de la Tour Eiffel, 320 mètres quand même à l'époque, c'était le plus haut qu'on pouvait faire. Donc on a moins de rayonnement, mais connaissant le taux d'atténuation, si vous voulez, la longueur de pénétration dans l'air, on s'attendait à ce qu'il y en ait encore moins. Et le fait qu'il y en ait si peu moins, en quelque sorte, était assez problématique. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter en ballon pour s'éloigner vraiment de la croûte terrestre, mais de façon beaucoup plus nette. Et alors, donc, comme l'a dit Richard, plus on monte et plus il y en a, mais le taux de progression nous donne une idée du taux d'absorption, si vous voulez, dans l'atmosphère. Et c'est là qu'on voit que ces particules ont une longueur de pénétration bien supérieure aux rayonnements les plus énergétiques qu'on connaissait à partir de la radioactivité sur Terre. Et en fait, ils sont beaucoup plus pénétrants que ceux qu'on connaissait. Et donc là, les gens commencent à se dire, mais il y a vraiment des particules de très haute énergie, qu'est-ce que ça peut bien être? Et surtout, ça a l'air de venir du cosmos. Donc évidemment, ça soulève des tas de questions. Mmh. Parce que là, on a parlé de Victor Hess, donc, qui était autrichien, de Robert Millikan, qui était américain. Il y a un Français qui a été très important dans la compréhension de ce que sont les rayons cosmiques. C'est Pierre Auger, Richard Taillet. Alors ça, je vais laisser Étienne parler d'Étienne de Monsieur Auger, parce qu'il est beaucoup plus spécialiste que moi sur ça, j'imagine. Alors, Étienne Parizeau, on vous écoute sur Pierre Auger. Oui, rapidement... Donc, effectivement, Pierre Auger fait une observation tout à fait étonnante, enfin, avec son équipe, c'est que ces rayons cosmiques qui arrivent un peu au hasard, comme je disais tout à l'heure, au hasard de la propagation de ces particules dans l'atmosphère, dans la galaxie, elles arrivent dans l'atmosphère et puis on les détecte au sol. Et donc, de temps en temps, il y en a une, puis une autre, puis une autre. Et Pierre Auger remarque que quand il a plusieurs détecteurs sur une même table, de temps en temps, il détecte aléatoirement un rayon cosmique quand il y en a un qui passe, mais il remarque que de temps en temps, les détecteurs se déclenchent au même moment. C'est-à-dire que c'est comme si ces rayons cosmiques qui arrivent un peu au hasard, en fait, arrivaient de façon corrélée. Et ça, c'est très étrange parce que c'est très facile de faire un calcul de probabilité pour voir, compte tenu du flux d'arrivée de cette particule, combien de fois ou à quel taux il devrait y avoir des coïncidences temporelles. Et il s'aperçoit que les coïncidences temporelles sont bien plus nombreuses qu'elles ne devraient l'être. Et alors là, il comprend en fait qu'on assiste à un phénomène qu'on appelle aujourd'hui des gerbes de particules, des douches en anglais, des showers, particle showers, des averses de particules, si vous voulez. Et il comprend qu'en réalité, ces phénomènes sont provoqués par l'arrivée d'une seule particule beaucoup plus énergétique en provenance du cosmos, qui vient interagir dans l'atmosphère et qui provoque une cascade de particules, donc une réaction en chaîne. La première particule étant très énergétique, elle crée plusieurs particules secondaires qui chacune est encore suffisamment énergétique pour en créer d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et donc, vous avez une multiplication de particules, une cascade de particules. Mmh. Et ces particules arrivent du coup toutes ensemble au niveau du sol, d'où le déclenchement simultané de plusieurs détecteurs. Mmh. Et alors, en faisant des études précises pour estimer le nombre de particules et leur énergie individuelle, il a pu remonter à l'énergie de la particule incidence dont l'énergie devait être au moins supérieure, enfin au moins égale à la somme des énergies de toutes les particules secondaires qu'on peut détecter. Et en faisant ça, il découvre qu'il y a des rayons cosmiques, dit-il, de au moins 10 puissance 15 électronvolts. Ça parle peut-être pas beaucoup à vos auditeurs, mais disons que l'énergie la plus haute qu'on peut obtenir aujourd'hui dans les accélérateurs terrestres, hein, au CERN à Genève, c'est 10 puissance 13 électronvolts. Donc là, ce sont des particules qui sont au moins 100 fois supérieures en énergie. Et à l'époque, personne ne pouvait imaginer des énergies aussi grandes. Ça paraît complètement fou, mais c'est un résultat imparable. Et donc, ce résultat de Pierre Auger est en quelque sorte le début d'une quête des limites en énergie de ce que dans l'univers, si vous voulez. Pierre Auger émet aussi l'hypothèse que ces rayons cosmiques puissent provenir de supernovae. Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est une erreur de ma part, ce qui arrive. Il se peut que je sois ignorant de cet aspect-là. Peu importe, passons. On va avancer parce que j'aimerais qu'on arrive et qu'on parle un peu de ces différents types de rayons cosmiques. Mais il y a quelques choses intéressantes si on arrive à la contemporanéité. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que les premiers astronautes qui vont rester et qui vont faire d'assez longs séjours dans l'espace, et notamment à partir de Buzz Aldrin se rend compte que en fait, il perçoit quelque chose au niveau de la vue qu'aujourd'hui c'est très bien connu, et que effectivement, quand on commence à s'éloigner, quand on commence à prendre du recul et à s'éloigner de la magnétosphère terrestre, eh bien, la rétine réagit avec certains de ces rayons cosmiques, Richard Taillet. Alors, je suis pas médecin, mais j'imagine que vous faites allusion à l'effet Cherenkov dans les yeux, d'accord ? C'est ça. Donc, juste pour rappeler ce que c'est, donc l'effet Cherenkov, c'est une lumière qui est émise lorsque des particules se propagent très rapidement dans un milieu. Si on veut même être plus précis, la lumière se propage dans les milieux à une vitesse inférieure à ce qu'elle se propage dans le vide. Donc la lumière va un peu moins vite dans les milieux. Si une particule dépasse la vitesse de la lumière dans les milieux, alors elle émet un rayonnement qu'on appelle le rayonnement Cherenkov. Et donc ça, effectivement, ça peut se manifester donc chez les astronautes qui sont soumis au flux, qui ne sont pas protégés par la magnétosphère, comme vous l'avez dit. Donc quand il y a un rayon cosmique qui arrive dans leur œil, ça peut effectivement faire ce rayonnement, et ils voient des flashs lumineux. Oui. Et ça, alors cet effet-là, là, c'est assez anecdotique de parler des astronautes, mais du coup, c'est un moyen sur Terre de détecter ces rayons cosmiques, puisque les rayons cosmiques qui se propagent dans l'eau ou bien dans l'air d'ailleurs, peuvent émettre aussi ce rayonnement de Cherenkov. Et détecter ce rayonnement de Cherenkov, c'est une manière indirecte de détecter ces rayons cosmiques. Alors, on parle des rayons cosmiques au sens large, mais en fait, il y a différents types de rayons cosmiques qui sont émis par différentes sources. Peut-être que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon en fonction de leur type d'énergie, surtout, Richard Taillet. Oui, alors effectivement, les phénomènes de création sont pas les mêmes pour les différents rayons cosmiques. On peut distinguer au moins trois gammes, on va dire. Il y a la gamme des rayons cosmiques de basse énergie, ceux qui sont autour du méga électronvolt. Je reprends cette unité d'énergie, là, le méga électronvolt. Juste pour donner une balise, le giga électronvolt, un milliard d'électronvolts, c'est l'énergie de masse d'un proton. Et donc ça marque en gros la limite supérieure des rayons cosmiques de basse énergie. Autour du giga électronvolt jusqu'à ce qu'on appelle des péta électronvolts, donc 10 puissance 15 électronvolts, donc il y a une gamme vraiment importante, c'est très large comme gamme. Là, c'est les rayons cosmiques de haute énergie, on va dire. Ces rayons cosmiques sont créés essentiellement, sont affectés par la manière dont ils se propagent dans la galaxie. Ils peuvent interagir avec la matière interstellaire et du coup ça transforme leur composition. Et il y a les rayons cosmiques d'ultra haute énergie qui sont autour de l'état électronvolt. Donc là c'est plutôt 10 puissance 18 électronvolt. Et là on entre dans une gamme qui dépasse du coup la gamme d'énergie qu'on peut créer dans les accélérateurs, comme vous l'avez indiqué. Et du coup, l'utilisation qu'on peut faire de ces rayons cosmiques en tant que chercheur, elle est très différente, hein, en particulier pour ceux qui ont des très hautes énergies. Là, c'est un moyen indirect de faire de la physique de particules dans des conditions qui sont pas permises en accélérateur, par exemple. On reparlera d'ailleurs tout à l'heure, hein, dans la deuxième partie, de ces rayons cosmiques de haute et de ultra haute énergie, parce que ils sont, comme je le disais dans l'introduction, assez énigmatiques et donc évidemment passionnants. Peut-être qu'on peut dire aussi, pour que les gens se rendent bien compte, Étienne Parizeau, ces rayons cosmiques, on en est bombardé en permanence, en fait. Alors pas des ultra haute énergie, évidemment, c'est-à-dire que plus on monte en énergie, moins on les voit, mais néanmoins on en a, il y en a qui nous tombent dessus à peu près tout le temps. Oui, alors il faut bien distinguer les rayons cosmiques qu'on appelle primaires, c'est-à-dire ceux qui sont les vrais rayons cosmiques, si on peut dire, qui s'emballent dans la galaxie, et les rayons cosmiques secondaires, qui ne sont plus les rayons cosmiques, mais qui sont justement ces particules secondaires produites dans l'atmosphère par l'interaction des rayons cosmiques. Alors, au niveau du sol, ce qu'on reçoit, ce n'est jamais le rayon cosmique primaire. Ce sont plutôt typiquement des muons, par exemple, des particules qui sont produites dans ces cascades après l'interaction du rayon cosmique. Pour vous donner une idée, donc le flux de rayons cosmiques au niveau de la Terre, enfin donc à l'entrée dans l'atmosphère, si vous voulez, c'est à peu près 4 par seconde et par centimètre carré. Donc vous voyez, un petit centimètre carré, 4 par seconde. Alors, j'avais fait le calcul une fois pour m'amuser. Si on fait la somme, parce que la Terre est grande, donc pour chaque centimètre carré d'atmosphère, il y a 4 rayons cosmiques qui arrivent chaque seconde. Si vous faites la somme de toute cette matière qui arrive du cosmos, parce que c'est vraiment de la matière extraterrestre, qui vient alourdir la Terre. Alors, quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 1 kilo par an. Donc, c'est pas énorme, mais enfin, c'est de la matière qui vient d'un peu partout dans la galaxie. Et c'est toujours amusant de se représenter le fait qu'on est en train de s'alourdir par cette matière. Sinon, alors effectivement, comme vous l'avez dit, plus on monte en énergie, moins il y a ces particules, et en fait, ça décroît extrêmement vite, le flux décroît extrêmement vite avec l'énergie, au point que aux énergies que mentionnait Richard, ce qu'il appelait un péta électronvolt, 10 puissance 15 électronvolts, on est plutôt de l'ordre de une par mètre carré et par attendez que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, par mètre carré et par an, non je me trompe totalement, par contre je vais vous donner un chiffre que je connais mieux, c'est celui des particules les plus énergétiques, celles qui sont vraiment à l'extrême du spectre en énergie, et là c'est une particule par mètre carré par milliard d'années. Voilà. D'accord. Ça c'est les ultra haute énergie, celles qui sont vraiment, dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure. Peut-être un mot, parce que ces particules de ultra haute énergie, on connaît pas bien leur provenance, mais les autres, on sait d'où elles viennent, et d'ailleurs elles viennent d'assez près de nous. Richard Taillet, elles viennent notamment du Soleil, et on les connaît très bien. C'est d'ailleurs ces particules de basse ou de moyenne énergie qui peuvent être à l'origine des aurores boréales. Oui, alors effectivement, celles de basse énergie viennent en grande partie du Soleil, effectivement. Et quand elles pénètrent dans l'atmosphère et qu'elles interagissent avec les molécules qui se trouvent dans la haute atmosphère, ça provoque effectivement les aurores boréales. Et celles qui ont des moyennes énergies autour de, on va dire, entre le giga électronvolt et puis le péta électronvolt, elles sont déjà un peu moins locales, hein. Elles viennent de notre galaxie à nous, donc elles peuvent venir de beaucoup plus loin, de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'années-lumière. Et en gros, plus on considère des rayons cosmiques d'énergie importante, plus il y a une chance qu'elles viennent de loin, en fait. Donc les rayons cosmiques, du coup, c'est aussi un moyen assez indirect de connaître l'environnement qui nous entoure. Étienne Parizeau. Je ne sais pas si on en reparlera, si on précisera ça un peu plus tard, mais. Bah, allez-y, Richard Taillet, je vous en prie. Oui, bah, donc il y a une différence essentielle si on veut utiliser les rayons cosmiques pour comprendre ce qui nous entoure. Il y a vraiment une différence qui est passionnante et cruciale, c'est que les rayons cosmiques, c'est des particules chargées. Et il se trouve que le milieu dans lequel elles se propagent, la galaxie, baigne dans un champ magnétique qui est un peu compliqué. Et or, une particule chargée dans un champ magnétique, ça tourne. Un champ magnétique, ça fait tourner les charges électriques. Et du coup, les rayons cosmiques sont affectés, leur direction est affectée par les champs magnétiques. Les particules de très haute énergie sont un peu moins affectées parce que, justement, elles ont une très grande énergie. Donc, en quelque sorte, elles ont moins le temps, on va dire, pour le dire de manière un peu incorrecte. Mais voilà, elles ont un peu moins le temps d'être affectées par les champs magnétiques. Et donc, quand on voit une particule de très haute énergie qui nous arrive, en regardant, disons, dans la direction inverse de sa provenance, on voit à peu près la région qui contient sa source. Pour les rayons cosmiques de moyenne énergie, c'est pas le cas du tout, en fait. Elles ont des énergies assez faibles pour être complètement déboussolées, avoir fait trois fois le tour sur elles-mêmes en interagissant avec les champs magnétiques ambiants. Et du coup, quand on récupère une particule de rayonnement cosmique de moyenne énergie, savoir d'où elle vient, savoir la direction qu'elle a exactement au moment où on la capte, ça ne nous dit absolument rien sur l'endroit d'où elle vient, en fait. Et ça, c'est une difficulté de ce domaine d'étude. Étienne Parizeau, à ce propos, effectivement, sur le fait que toutes ces particules soient effectivement modifiées, en tout cas leur trajectoire modifiée par les différents champs magnétiques qu'elles peuvent rencontrer depuis leur émission jusqu'à ce qu'elles arrivent chez nous. Oui, comme l'a dit Richard, c'est un élément très important de la phénoménologie de ce rayonnement cosmique qui fait que, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, il y a la même quantité de rayons cosmiques. Et donc, effectivement, on ne peut pas faire une carte du ciel en rayons cosmiques comme on fait une carte du ciel en photons. Quand vous voyez un photon qui arrive quelque part, vous savez que la source, elle est dans la direction en question. Donc, effectivement, ça produit d'une part donc un brouillard complet, c'est-à-dire on est exactement comme dans le brouillard. C'est un brouillard magnétique en l'occurrence, avec un flux isotrope. Mais ça veut dire aussi que quand on mesure ces particules, on a la somme de toutes les contributions de toutes les sources partout dans la galaxie. Alors évidemment, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Et alors fort heureusement, on a accès à une dimension supplémentaire par rapport aux photons. Pour les photons, on peut voir d'où ils viennent et on peut connaître leur énergie. Pour ces rayons cosmiques, on ne voit pas bien d'où ils viennent, mais on peut connaître leur énergie d'une part et on peut connaître leur nature chimique, c'est-à-dire savoir est-ce que c'est un noyau de carbone, un noyau d'oxygène, et les rapports d'abondance entre les différents noyaux sont porteurs d'énormément d'informations qu'on essaye d'exploiter au mieux. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'expériences de rayons cosmiques se concentrent vraiment spécifiquement sur la possibilité d'identifier individuellement les atomes, pas seulement d'ailleurs leur caractère atomique, mais même l'isotope nucléaire correspondant, par exemple, je ne sais pas, pour un noyau très important comme le néon, par exemple, qui peut exister sous forme de néon 20 avec 20 nucléons ou néon 22 avec 22 nucléons. Ces deux noyaux ne sont pas produits par le même type de phénomène de nucléosynthèse dans la galaxie. Et donc, la proportion de ces différents noyaux va nous renseigner beaucoup sur les mécanismes d'accélération, sur l'environnement astrophysique au sein duquel ces particules sont accélérées. Et donc, on essaie de tirer un maximum d'informations de ces abondances et de leur évolution en fonction de l'énergie. Voilà, on précise, on rappelle pour les auditrices et les auditeurs qu'effectivement, les isotopes, c'est le même élément du tableau chimique, mais avec un nombre de neutrons qui varie. C'est ce que vous venez de dire, entre 20 et 22, c'est le nombre de neutrons qui change, puisque la charge de la particule, le nombre de protons, reste le même. Sinon, eh bien, on change d'élément. On va continuer à parler de ces rayons cosmiques, on va aller voir comment on les étudie, surtout avec quel type d'instrumentation, et puis on va se poser la question de ce que sont ces fameux rayons cosmiques d'ultra haute énergie, quelles sont les sources cosmologiques qui pourraient les produire. On en parle dans un instant. Hey. Every time the sun comes up, I'm in trouble. Sharon Van Etten, Every Time the Sun Comes Up sur France Culture à 16h40. Nous parlons des rayons cosmiques tout au long de cette heure en compagnie de Richard Taillet, qui est enseignant chercheur à l'université Savoie-Mont-Blanc, chercheur en astrophysique au laboratoire de physique théorique d'Annecy-le-Vieux, et Étienne Parizeau, qui est astrophysicien au laboratoire APC, professeur à l'université Paris Diderot. Alors, nous allons, je vous le disais, nous intéresser aux rayons cosmiques de très haute énergie, qui, comme vous allez le voir, posent un certain nombre de questions. Et pour commencer, nous avons pu nous rendre, avant le confinement, bien entendu, à Annecy, au laboratoire de physique des particules, où Céline Lezenne a rencontré Gilles Morin, qui travaille sur la future expérience CTA pour Tcherenkov Télescope Array. Ici, donc, je suis dans un groupe qui fait de l'astronomie gamma OTEV, sur deux expériences, donc l'expérience S et l'expérience CTA, qui est la future, le futur de l'expérience S, le futur de l'astronomie OTEV. Donc, qu'on est en train de préparer. Donc, on travaille en même temps dans une expérience qui prend des données, qui fait de l'astrophysique et de la physique des particules. Et parallèlement, on est en train de préparer la nouvelle expérience qui est CTA. Alors, pourquoi on s'intéresse aux rayons gamma alors qu'on étudie les rayons cosmiques ? Alors, c'est dû au fait que quand on est sur Terre ou même au niveau de l'atmosphère terrestre, on peut détecter les rayons cosmiques. Mais le problème des rayons cosmiques, c'est que malheureusement, c'est des particules chargées et que ces particules chargées, quand elles subissent des champs magnétiques, elles sont déviées. Et donc, quand on les étudie, on a du mal, on ne peut pas voir d'où elles proviennent. Et les rayons gamma, c'est des photons de très haute énergie, au téraélectronvolt. Et ces rayons gamma sont produits au même endroit que les rayons cosmiques. Donc, ils sont produits et puis ils ont le bon goût d'être neutres, non chargés. Donc, ils vont se propager en ligne droite de la source jusqu'à nous. Et la technique de l'astronomie gamma au TEV, c'est d'utiliser l'atmosphère comme, en fait, ce qu'on appelle un calorimètre. Les rayons gamma vont arriver dans l'atmosphère, ils vont générer plein d'autres particules, des électrons, des photons. Et les particules chargées qui vont plus vite que la vitesse de la lumière dans l'atmosphère vont émettre de l'émission bleutée de l'émission de Tcherenkov qu'on va détecter avec nos télescopes. Et il nous faut des grands télescopes parce que cette lumière déjà est faible au point de vue intensité. Et puis pour voir une belle région du ciel, il faut aussi des grands télescopes. Et le principal problème de cette astronomie, la principale difficulté, c'est d'identifier les rayons gamma du bruit de fond qu'on a, qui sont les rayons cosmiques eux-mêmes, qui vont créer également des gerbes de particules qui vont ressembler beaucoup à celles des rayons gamma. Alors comment on filtre tout ça ? Comment on nettoie les signaux pour On fait du traitement d'images. Donc on va étudier les images. Chaque image va nous donner des tâches qu'on voit au niveau de nos télescopes. Et avec la granularité des images, on arrive à savoir, avec des propriétés d'image, en fait ça nous fait des tâches elliptiques sur les images qui représentent les germes, on arrive à identifier si on a affaire à des protons, des noyaux, ou alors à ce qu'on cherche, des photons. Alors là, par exemple, on peut voir sur une vidéo ce qu'on voit, les tâches que l'on voit sur les 5 télescopes. On a les 4 petits sur chacun des côtés, et puis au centre, on a les tâches que l'on voit. Et chaque tâche, ça représente un événement qui a été observé par le télescope. Donc, événements, si on capture vraiment... Une gerbe. On a des gerbes de particules, on en voit des très belles, des beaucoup moins belles. On voit aussi des sortes de d'anneaux qui s'affichent. Ça, c'est pas des rayons gamma, c'est des muons atmosphériques qu'on détecte aussi. Et ici, au laboratoire, on est spécialiste de, on est en train de se positionner sur le calcul temps réel. L'idée, c'est de pouvoir observer les rayons gamma et de faire de la reconstruction d'images en temps réel et de voir si on voit des événements dans le ciel. Alors, le principe, c'est, on l'a vu tout à l'heure, on a nos gamma qui arrivent, qui sont enregistrés par nos télescopes. On récupère ces données, donc effectivement, il y a un flux gigantesque de données. Ce flux de données, on doit le traiter, on doit le sauvegarder. Mais en temps réel, on veut aussi avoir une analyse qui est capable de reconstruire les événements pour savoir si on voit des choses particulières dans le ciel. Donc, il nous faut des analyses ultra rapides. Et ça, ça demande aux physiciens de faire de l'informatique. Ce qui n'est pas évident, mais c'est très intéressant parce qu'on travaille en collaboration, en particulier ici, avec des informaticiens, des laboratoires d'informatique. Alors justement, ici aussi, on a un centre de calcul qui est assez performant pour... On a un petit centre qui est... c'est pas un gigantesque centre, mais par contre, il est très utile au niveau du bassin annécien. Donc on peut aller le visiter, c'est pas tout à fait ici. Il faut descendre dans un autre bâtiment. C'est parti. En fait, il fait meilleur dehors. Eh ouais. Donc on est sur deux bâtiments. On a le bâtiment qui est ici. Et puis on a un bâtiment plus bas qui est le mésocentre MUST. Donc je suis Ludovic Duflo, je suis ingénieur en informatique. Je participe donc à cette plateforme MUST. Donc on est plusieurs à s'occuper de cette plateforme. Cette salle, donc il y a à peu près 4500 processeurs qui tournent non-stop. Et on a aussi une grosse partie de stockage. Comment se passe le travail de collaboration avec les équipes du lab et vous ici au centre de calcul? Alors pour la partie CTA, nous on s'en sert principalement pour préparer nos analyses. Donc on a ici une banque de simulations qui sont créées, enfin ces simulations sont créées au niveau de notre collaboration internationale. On en prend une petite partie, on les stocke ici et puis on va préparer nos algorithmes de traitement de données. Alors aujourd'hui, en fait, CTA, c'est quelque chose qui va venir, mais en fait, on est dans une ère où on va avoir accès, donc ça fait de l'astronomie au thème, mais dans 10 ans, on aura affaire à des télescopes de nouvelle génération et ça va apporter un regard nouveau sur l'univers. Et ça, ça risque de changer beaucoup de choses sur notre compréhension de l'univers. Voilà le reportage du jour sur cette future expérience CTA. Donc on va évidemment dire un mot, peut-être votre réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Richard Taillet. Oui, c'est effectivement intéressant. Et je pense la chose sur laquelle il faut bien insister, c'est que là, Gilles Morin nous a parlé essentiellement de techniques qui sont très semblables à celles de la physique des particules. Et non seulement qui sont semblables, mais qui sont directement héritées d'eux. Et l'héritage, il est dans les deux sens, en fait. Hein, la physique des particules, elle est vraiment née avec l'étude des rayons cosmiques. Et l'étude des rayons cosmiques s'est développée grâce aux avancées en physique des particules. Donc ce sont deux champs de la physique qui marchent vraiment main dans la main depuis une centaine d'années. Étienne Parizeau. Oui, tout à fait. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Effectivement, les photons ont le bon goût d'aller tout droit. Et donc, ça permet d'observer les sources. Il faut néanmoins réaliser que les sources observées par l'astrophysique des hautes énergies, donc en rayon gamma, par CTA, etc., sont évidemment productrices de particules énergétiques. Maintenant, il faut se méfier d'assimiler toutes les particules énergétiques aux rayons cosmiques. C'est-à-dire que y a beaucoup de sources qu'on observe par des rayonnements gamma, dont on sait qu'elles ne contribuent que de façon tout à fait marginale au rayonnement cosmique lui-même. Et la question, Quel type de source, par exemple? Par exemple, le Soleil, par exemple, des pulsars qui, a priori, ont une contribution au rayonnement cosmique proprement dit de la galaxie relativement faible. Il faut comprendre que la quantité d'énergie qu'il y a dans ces rayons cosmiques est absolument majeure. C'est-à-dire que les rayons cosmiques sont une des composantes principales de notre galaxie. J'aime bien parler d'écologie galactique au sens où il faut savoir qu'il y a dans la galaxie tout un tas de processus d'interaction, de rétroaction d'une phase du milieu interstellaire sur une autre. Il y a tout un tas de processus chimiques, de processus de chauffage, d'ionisation, différents types de gaz moléculaires, atomiques, des gaz dilués, du gaz chaud, etc. Il y a toute une écologie de la galaxie qui est en fait régulée et en grande partie pilotée par les rayons cosmiques qui jouent un rôle majeur un peu partout dans la galaxie précisément en raison de leur grande quantité d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a autant d'énergie, si vous voulez, dans un centimètre cube de matière interstellaire, enfin, ou de vide interstellaire, si vous préférez, il y a autant d'énergie dans les rayons cosmiques que dans les champs magnétiques, que dans la lumière. Donc c'est vraiment une composante qui est méconnue, on voit les étoiles à l'œil nu, mais cette composante est très importante, et c'est parce qu'elle est importante qu'elle a autant d'influence sur tous les processus à la fois physiques et chimiques qui ont lieu dans la galaxie. J'aimerais qu'on parle un peu, et il nous reste malheureusement pas énormément de temps pour le faire, mais on va essayer d'exploiter ce temps au mieux, de ces rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Comment se fait-il qu'on ne sache pas exactement ce qui peut les produire? Et quand on parle de rayons cosmiques d'ultra haute énergie, jusqu'à quel seuil maximum peut-on arriver, Richard Taillet? Alors le problème qu'il pose du point de vue, alors moi je vais vous parler du point de vue plus théoricien, je suis pas du tout expert dans les aspects expérimentaux de ça, mais le problème théorique avec ça, c'est que ces rayons cosmiques sont à des énergies auxquelles les théories n'ont pas été testées par ailleurs, en gros. C'est-à-dire que on a des théories qui décrivent comment les particules se comportent, comment elles interagissent entre elles en particulier. Ça peut être testé avec des expériences de précision qui sont faites en accélérateur, où on envoie des particules les unes sur les autres en réglant très précisément leur énergie relative. Voilà. Mais ça, on peut le faire que jusqu'à des énergies qui sont limitées. Et les rayons cosmiques d'ultra haute énergie, eux, ils ont des énergies supérieures à ça. Donc, c'est à la fois un petit risque, parce que du coup on essaye de les comprendre en appliquant une théorie peut-être au-delà de son domaine de validité. D'autre part, c'est une chance, parce que ça permet précisément de tester les théories à des énergies plus importantes que celles du laboratoire. Étienne Parizeau, qu'est-ce que c'est, peut-être faut-il dire un mot de ce qu'on appelle la limite ou la coupure GZK, et pourquoi ces particules d'ultra haute énergie interroge en tout cas la notion de cette limite GZK qui a été établie, je crois, dans les années 60. Oui, alors c'est un épisode intéressant de l'histoire des sciences. La coupure GZK tire son nom de trois scientifiques, un qui s'appelle avec un G, Greizen, un Américain, et puis le Z et le K sont Zatsepin et Kuzmin, deux physiciens russes. Ces trois physiciens ont réagi très rapidement après la découverte du fameux rayonnement fossile. Vous savez, ce front diffus cosmologique qui est la lumière provenant des tout premiers instants de l'univers. Enfin, 360 000 ans après le Big Bang. Voilà, 380 000 ans. 380, pardon. Au moment où l'univers est devenu transparent. Donc c'est la dernière lumière qui était en équilibre avec la matière à ce moment-là, la matière qui était ionisée. Lorsque la matière, du fait de l'expansion, s'est refroidie et a cessé d'être ionisée, elle a cessé d'interagir avec la lumière qui donc a pu se propager librement, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et depuis, elle se propage en ligne droite, en allant droit devant elle. Et donc on reçoit cette lumière issue de très très loin à l'époque, qui est donc qui nous renseigne sur le fait qu'il y a un fond diffus de photons partout dans l'univers. Et en fait, il y a beaucoup de ces photons-là. Il y en a à peu près 400 par centimètre cube. Vous voyez, c'est quand même beaucoup. Simplement, ces photons sont extrêmement froids. Enfin, c'est-à-dire, c'est une façon de parler. Ils ont une longueur d'onde très grande. Ils forment un rayonnement qu'on appelle un rayonnement de corps noir correspondant à un corps qui aurait une température de 2,7 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 270 degrés. Hein. Donc c'est extrêmement froid. Ces photons sont totalement inoffensifs, si vous voulez. Ils ont une énergie très très faible en eux-mêmes. Mais pour des rayons cosmiques de très très haute énergie, dans le référentiel des rayons cosmiques, ces photons du fond diffus cosmologique ont une grande énergie. Vous comprenez bien que l'énergie est toujours relative à un référentiel, c'est-à-dire un mur qui est immobile. Si vous foncez sur le mur, évidemment, vous trouvez que le mur va très très vite sur vous, il peut vous faire mal. Et c'est exactement cette idée-là. Le rayon cosmique fonce sur ce fond de photons qui remplit l'univers, et s'ils font très très vite sur ce fond de photons, eh bien pour lui, les photons ont une énergie colossale. Par conséquent, ces photons qui ont une énergie colossale dans le référentiel de ces rayons cosmiques d'ultra haute énergie vont être tellement énergétiques justement dans ce référentiel qu'ils vont être capables de créer des particules secondaires, c'est-à-dire de créer des particules à partir de l'énergie des photons. Alors, c'est effectivement ce qui se passe. Ces particules vont pouvoir créer des particules, typiquement des pions, des choses comme ça. Et maintenant, dans le référentiel de la galaxie, dans notre référentiel, si vous voulez, standard, alors l'énergie est bien prise quelque part. Eh bien, elle est prise au rayon cosmique. Autrement dit, dans notre référentiel, un rayon cosmique de très très haute énergie qui se propage à travers le fond diffus de photons qui ont l'air inoffensifs, va perdre de l'énergie en créant ces particules secondaires. Cette énergie va lui être retirée à lui. Alors ça a une conséquence très importante, c'est que du coup, ils ne peuvent pas se propager très très loin. Si vous avez suffisamment d'énergie pour créer des particules secondaires sur ce fond diffus, alors vous allez perdre de l'énergie très très vite, et très rapidement, vous n'aurez plus l'énergie colossale que vous aviez au début. Ce qui crée ce paradoxe, qui est normalement ces rayons d'ultra haute énergie ne devraient pas parvenir jusqu'à nous parce qu'ils devraient être vidés, épuisés de leur énergie par les photons du fond diffus cosmologique. Voilà. Alors en tout cas, ça introduit ce qu'on appelle un horizon, c'est-à-dire que effectivement, ils ne peuvent pas venir de au-delà d'une certaine distance qui est relativement proche, de quelques dizaines de millions d'années-lumière. Ça paraît beaucoup, mais à l'échelle cosmique, c'est très très peu. Et par conséquent, on s'attend à une diminution drastique du nombre de ces particules quand on dépasse une certaine énergie, parce que justement, les sources lointaines ne peuvent plus contribuer. Et alors, il fut un temps, il a semblé que cette coupure dans le spectre, cette diminution drastique du flux de particules n'était pas observée. Il y a une expérience en particulier japonaise qui laissait entendre qu'il y avait beaucoup plus de particules qu'attendu, et c'était un vrai problème. Alors aujourd'hui, ce problème est résolu. En réalité, on a refait des mesures et surtout on a des observatoires qui permettent de faire des mesures avec une statistique beaucoup plus grande, et il s'avère que cette coupure est bien observée. Et c'est assez remarquable parce que c'est une prédiction d'il y a 40 ans, vous l'avez dit, qui est confirmée et qui nous montre que même à ces énergies colossales, en tout cas au premier ordre, la physique des particules fonctionne aussi. Mais il y a encore de la place pour des petits ajustements, et c'est précisément là qu'on espère repérer à terme, quand on aura vraiment compris ces particules, d'où elles viennent, et qu'on aura des moyens d'observation un peu plus importants pour observer davantage, on espère peut-être détecter de la nouvelle physique grâce à ces particules qui, comme l'a dit Richard, ne peuvent pas être produites du tout en accélérateur. On est des millions de fois supérieurs en énergie. On arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission, mais je pense qu'on aurait l'occasion, et on refera d'ailleurs dans les mois à venir, une émission entière consacrée uniquement à ces particules de ultra haute énergie, parce que on n'a pas évoqué plein d'hypothèses, celle de la matière noire, l'origine possible de ces particules d'ultra haute énergie. Mais écoutez, ça sera le coup de l'occasion de vous réinviter, de reparler uniquement de cela et de pas de tous les rayons cosmiques. Pardon. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux, à Richard Taillet, merci Étienne Parizeau d'être venu nous parler de ces rayons cosmiques. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lezen, Noémie Naguet-Saint-Vulfran, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Demain, on reste dans l'espace avec une question qui commence à chatouiller la communauté astrophysique et cosmologique, notamment avec ce projet Starlink et l'envoi de dizaines de milliers de satellites en orbite terrestre qui ruinerait complètement la possibilité d'observation de l'espace depuis le sol. Faut-il arrêter Elon Musk dans ses ambitions de conquête de l'espace, et qui peut le faire? On en parle demain à 16h, mais avant ça, on se retrouve demain matin dès 8h55 pour la radiographie hebdomadaire du coronavirus, jusqu'à preuve du contraire.